Voyage en Danemark par Jean-Marie Dargaud, 1860. Chapitre 1er. Le 6 juillet 1860, nous nous sommes arrêtés à la grille qui sépare Altona de Hambourg. Cette grille est une frontière. Au-delà verdit le Danemark allemand, le Holstein. Nous nous sommes engagés dans cette contrée couverte de moissons, de pâturages et de bois. La route que nous avons suivie laisse à quelques kilomètres sur la droite le château ducal de Plön, qui se mire dans le lac du même nom, une de ces petites Méditerranées dont le sol danois est constellé. À 10h30, nous étions à Kiel. Le port de Kiel est magnifique. C'est là que les flottes françaises et anglaises ont été admirées à l'époque de la guerre d'Orient. Ce port, avec sa cathédrale, ses quais, ses édifices, et en face, sur l'autre rivage, avec ses collines, ses fermes et ses prairies, est la fin d'un monde, du monde allemand, je dirais même européen. Il est le commencement d'un autre monde, le monde scandinave. La Baltique gronde au loin, et dans sa ténébreuse vastitude, derrière les vagues et les nuages, l'imagination évoque toutes les traditions païennes de l'Islande, les livres primitifs, les épopées et les sagas. L'heure donc où l'on va s'orienter pour ces tulées confuses des anciens est une heure solennelle. C'est là que ramèrent les vikings et que chantèrent les scalds. C'est là qu'habitent dans les tempêtes les oracles cosmiques, les origines des as et des héros, et le dieu Surtur, le dieu primordial et voilé, Deus Absconditus. Nous nous sommes embarqués au milieu des ombres les plus profondes. C'était l'abîme, c'était la nuit. Un abîme mystérieux, une nuit impénétrable. J'éprouvais d'ailleurs une fatigue universelle. Puisque je ne pouvais rien voir, je me suis donc couché sans remords sur un canapé du navire. Tout enveloppé de manteaux et de fourrures, je me suis assoupi tumultueusement au bruit de la Baltique et au roulis du bateau. J'ai si bien dormi durant notre traversée obscure de 9 heures que je me suis réveillé seulement dans l'île de Hamlet au moment où la cloche du bâtiment annonçait notre arrivée à Korsor. Nous voilà en Zélande. Nous sommes très bien à l'auberge de Korsor, à 20 pas du rivage. C'est ici le berceau des Cimbres, la chersonnaise Cimbric. Les Danois, sous les noms de Jutes, d'Angles, de Normands, furent des pirates audacieux. Ils conquirent 8 fois l'Irlande et 10 fois l'Angleterre. Leur course ravageait toute l'Europe. Ils étaient l'effroi des peuples. Au 9e siècle, les litanies finissaient toujours par ces mots « A furore iuturum liberanos domine ». Les Danois sont restés braves pour se défendre comme ils l'étaient pour attaquer. Ils sont encore une race militaire, une race de marins et de soldats. Ils l'ont prouvé dans toutes leurs guerres. Au-delà de leur continent, leurs îles étoilent la Baltique. Le Holstein, le Lauenbourg, le duché de Schleswig, le Jutland, la Fionie, la Zélande, les Féroé, l'Islande et des archipels divers composent aujourd'hui le royaume de Danemark. Il a plus de 1500 lieues de côte. La mer, sous tous les aspects et dans toutes les nuances de la palette divine, est à tous les horizons. De l'auberge de Korsor, nous avons une double perspective qui nous permettrait d'y séjourner longtemps sans impatience. Nous sommes là, dans un port de Zélande. Il y a 2 façades à notre maison. Si nous nous penchons aux fenêtres de l'Est, nous avons la Zélande devant nous. On fait partout la moisson. De nombreux paysans fauchent le blé au lieu de le couper à la faucille. Nous avons donc, dans la direction de la Zélande, un tableau rustique fort intéressant. Des fenêtres de l'Ouest, nous avons le port de Korsor, le Grand Belt, et au-delà du Grand Belt, la Fionie. La Fionie est entourée du Grand et du Petit Belt comme d'une ceinture à 2 nuances, plus verte du côté du Schleswig, plus bleue du côté de la Zélande. À 10 heures, nous avons pris le bateau à vapeur pour Nyborg. Nous avons affronté le Grand Belt et nous l'avons franchi par une houle inaccoutumée. La mer était admirable. Elle reflétait 4 ou 5 azures selon le point où on la contemplait. Je suis resté sur le pont pendant les 3 heures de la traversée. J'ai eu plusieurs fois le vertige, mais je la combattais en m'associant à tous les caprices du roulis. Il ne faut pas le contrarier. Il faut s'y abandonner, et l'on se sauve ainsi. Ce qui me sauvait plus que tout, c'était le plaisir que j'éprouvais à ce spectacle d'une mer nouvelle et d'une île inconnue. Nous allions à Glorup, l'une des belles résidences de la Fionie. Le propriétaire de cette résidence majestueuse était avec nous depuis Hambourg. Nous avons touché à Nyborg. 3 voitures découvertes stationnaient sur le bord de cette ville de briques. Une de ces voitures était à 4 chevaux, une autre à la Daumont. Les cochers étaient en livrée et en cocarde, les attelages tout en rubanés. ils étaient venus de Glorieux pour nous y conduire à notre débarquement. Nous avons suivi la chaussée le long de la mer, puis nous avons tourné brusquement. Nous allions par une ligne courbe ravissante. La mer brillait à notre gauche et à notre droite, la Fionie où nous étions enfin. Cette île n'a pas de montagne, elle n'a que des collines. Le terrain est si accidenté qu'il est par là très pittoresque. On dirait qu'il a été dessiné avec prédilection par l'artiste suprême. Ce qui m'étonna tout d'abord dans la configuration de l'île, c'est que la terre correspond à la mer selon les proportions d'une harmonie parfaite. Les mouvements du sol courent en vagues d'argile comme le belt en vagues d'eau, de sorte que le pays a l'air d'être une mer solide. On est entre deux mers. La culture est surprenante. De vastes champs de blé, des pacages où je compte jusqu'à 200 vaches, rappellent l'Angleterre. C'est une Angleterre boréale, avec les usines de moins et les forêts de plus. Toujours entre la mer sillonnée de navires et la campagne frissonnante d'épis, de feuilles et d'herbes, nous avancions vers une église de village. Tout à coup, dans un pli de vallée, nous avons aperçu Glorup adossé à des bois grandioses. Nous avons perdu plusieurs fois l'aspect du château avant d'y arriver. C'est l'une des plus nobles demeures qui se puissent rencontrer. On dirait, à l'extérieur, une abbaye princière du Moyen-Âge sur la lisière des forêts féodales. À l'intérieur, c'est un vaste Trianon, mais un Trianon de Danemark, avec toutes les fantaisies de l'imagination scandinave. Le bâtiment est quadrangulaire, de telle façon que lorsqu'on a franchi la grille de fer aux flèches dorées et les grandes portes de chêne au-dessus de l'une desquelles s'arrondit le dôme, on se trouve dans une cour entre quatre corps de logis, quatre châteaux en un, quatre châteaux qui vous regardent du haut de leurs cinq perrons à balustres et de toutes leurs fenêtres. Voilà Glorup. Un magnifique ara criait sur son perchoir au-dessous de deux drapeaux qui flottaient par-dessus les toits, le drapeau de la famille, jaune, noir, rouge, bleu, et le drapeau national, une croix blanche sur un fond rouge. Nous avons donné un coup d'œil au jardin, au parterre, au bassin d'eau vive, aux volières de toute espèce, puis aux écuries. Elles contiennent dans leurs parois de chêne 15 chevaux de race, anglais, danois, norvégiens. Les remises abritent 10 voitures, parmi lesquelles 3 traîneaux rapides comme des locomotives, simples chars sans roues, qui galopent le jour dans un tourbillon de frimas, qui la nuit, avec le haut de lanterne, illumine la neige et dévore l'espace au bruit mat des attelages scandinaves. Toutes ces voitures diverses achetées, soit à Copenhague, soit à Vienne, soit à Londres, confinent à la sellerie où des harnais innombrables, reluisants de propreté, attestent la mode, les élégances et les coquetteries équestres de tous les pays. Il y a ici un horloger, un maréchal ferrant, un charron, un serrurier, un boulanger, des gardes et des domestiques innombrables. Lorsque l'un de ses serviteurs devient vieux, le maître désigne une maison et assez de terre pour loger et entretenir l'invalide. S'il reste une veuve, elle est recueillie dans un établissement particulier, sorte de Sainte-Périne de village, dont les habitantes, admirablement nourries, ne sont point des pensionnaires, car elles ne payent rien. Le propriétaire de Glorup a tout prévu et pourvu à tout. Chacun est assuré d'une retraite. Cette belle résidence est un monde à part et se suffit à elle-même. Les propriétés sont féodales ou allodiales. Féodales, elles ne peuvent s'aliéner. Elles sont à la famille, dans la personne de l'aîné. Elles ne sont pas à l'individu. Il y a des fiefs en nature et des fiefs en capitaux. Les propriétés allodiales, au contraire, se vendent, se négocient au gré de celui qui les possède. Glorup est un des châteaux et une des terres du fief de Moltenburg, auxquels appartiennent encore la terre d'Anhof, la terre et le château de Rigard. Une terre allodiale, Molrup, s'étend à côté de ces trois terres féodales et tout ensemble forment un petit état très fertile en bois, en blé, en pacage. La mer en est quelquefois la frontière et partout la perspective. J'ai remarqué parmi les convives de Glorup, deux convives, le médecin et le pasteur, qui par leur contact habituel avec les paysans, me les révéleront d'autant mieux. Je me suis acheminé d'abord chez le médecin, le docteur Winter. Il est fort spirituel et parle assez bien français. Il a beaucoup voyagé. Il connaît l'Espagne et l'Amérique. Il me fournit avec complaisance tous les renseignements que je souhaite. Il occupe, près du village de Swinding, une demeure dont les attenances lui permettent d'avoir des chevaux et des vaches. Le pasteur, M. Bering, est veuf depuis quelques années. Je l'ai trouvé à table avec son père octogénaire et ses 7 enfants. M. Bering est un prêtre du plus haut mérite. Nous avons causé de beaucoup de choses. il m'apprit les merveilles de l'instruction en Danemark. Indépendamment des gymnases où les petits Scandinaves entrent à 10 ans pour sortir à 18, et qui sont les vestibules provinciaux de l'université de Copenhague, il y a des écoles dans tous les villages. Les fils et les filles des paysans sont obligés de les fréquenter. Alors, ai-je dit au pasteur, tous les Danois savent lire et écrire? Oui, m'a-t-il répondu, et presque sans aucune exception. De plus, ils savent la géographie, le calcul, l'histoire, surtout l'histoire nationale. J'ai désiré voir l'école de Swinding. Le pasteur, tenant la surveillance, m'y a mené aussitôt. Nous avons pénétré dans les deux classes, l'une composée des enfants de 7 à 10, l'autre des enfants de 10 à 14 ans. Le maître d'école nous a montré les cahiers d'écriture. Les jeunes paysans écrivent mieux ici que les bourgeois de France. Les murs sont tapissés de cartes de géographie très détaillées et de tableaux d'arithmétique. Les garçons et les filles ont fait leur démonstration élémentaire, puis, à ma demande, ils ont fini par un chant. Les Danois sont un peuple musicien. Ces villageois de 8, 9 ou 11 ans ont chanté avec un ensemble, un accent et des intonations d'une douceur inconcevable. Ils ont presque tous les cheveux d'un blond d'épi et les yeux d'un bleu pâle comme leur ciel. Nous sommes retournés au presbytère qui peut bien rendre 12 000 francs de rente au pasteur. M. Biering a une voiture à 2 chevaux. Son influence est grande dans le pays. Il enseigne du cœur et des lèvres. Il donne des 2 mains. Sa maison est confortable. Elle a 10 pièces. 5 chambres à coucher, 1 salle à manger, 3 salons très simples et 1 cabinet de travail. Ce cabinet est aussi une bibliothèque. On trouve là plusieurs bibles, en hébreu, en grec, en latin, en danois, et de très bons livres. Je me suis mis au croisillon. J'ai considéré le vaste jardin, la campagne et la mer, cette mer qui est à elle seule un enchantement perpétuel. J'ai sous mes fenêtres de Glorup, au levant, un magnifique pacage qui embrasse toute la colline. Je compte dans ce pacage 150 vaches, dont les mugissements me réjouissent. Près d'une haie, à mi-côte, j'ai remarqué une cabane de bois peinte en noir. Une gourde immense de bière forte est suspendue au toit. C'est la cabane du berger des vaches, m'a-t-on dit. J'ai voulu l'examiner de moins loin. J'étais droit au berger, qui m'a ouvert sa hutte. Elle est très bien faite. Elle renferme un lit, un coffre, 2 rayons de sapin où les fioles pour les maladies des vaches sont alignées à côté d'une bible. Il y a là un gîte pour le pâtre et une pharmacie pour le troupeau. Cette cabane est montée sur un brancard et sur des roues. Quand le moment vient de changer de pacage, on attelle 2 chevaux robustes à la cabane et on la transporte où il faut. C'est une motte très ingénieuse. Je n'avais jamais rien rencontré d'analogue. Il y a 4 cabanes de bois pareil, qui correspondent chacun à 150 vaches. Les vaches de Glorup sont donc au nombre de 600. Le chef des troupeaux, qui est toujours à cheval, donne ses ordres tous les matins. Les vaches demeurent dans la même prairie où elles sont conduites ailleurs, selon la convenance des fourrages. On les traite 2 fois par jour. Les paysannes les calment par des airs rustiques tout en pressant leurs mamelles, et en même temps que les chansons, le lait tombe dans de grands vases de faillard que l'on rattache ensuite par des crochets de fer à des bas sur des ânes. C'est ainsi que les jattes écumeuses parviennent à la grande ferme. Elles possèdent un multiple et puissant laboratoire. Cela ressemble aux vendanges. Des cuves sont successivement remplies de lait à moitié, une pelle très large et grillée, est placé dans la cuve. Le manche de cette pelle est adapté à une poulie que 2 roues, mues par 2 chevaux, font tourner rapidement. En 1/2 heure, une prodigieuse motte de beurre est extraite du lait. Cette motte est transférée dans une autre chambre où une longue huche la reçoit. Le beurre est pétri, purifié, salé. Puis on le transvase avec une truelle de bois dans des barriques, sortes de feuillettes que l'on expédie à Nyborg. Les feuillettes passent le grand belt. Les unes sont destinées à Copenhague, les autres à Hambourg, les autres à l'Allemagne et à l'Angleterre. Ils se fabriquent de cette manière à Glorup pour 30 000 francs nets de beurre par an.